وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc mes frères et mes sœurs, nous continuons inshallah ta'ala nos cours relatifs aux règles du divorce, et nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier, c'est-à-dire dans le chapitre du roul'. Et donc on a mentionné hier les conditions du roul' citées par le noble shir al-allama shir Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, où il a cité que le roul' comme première condition, le fait que le mariage soit valide, yani que le roul' soit relatif à un mariage valide. Ensuite, il a cité comme deuxième condition le fait que le roul' émane de celui qui possède le moyen de divorcer, c'est-à-dire l'époux. Troisième condition, il a mentionné l'agrément de l'époux, que l'époux soit satisfait, soit agré ce roul'. Et également, quatrièmement, il a cité le fait que l'agrément est nécessaire. L'agrément de qui? L'agrément de celle qui donne la compensation. Et généralement, c'est qui? L'épouse. Et en cinquièmement, il a mentionné que la compensation soit de même nature qu'une dot valide. Et on a vu, lors du cours, à la fin du cours hier, si on avait le droit de donner, ou que, est-ce que il est possible que la compensation pour le roul' soit supérieure au montant de la dot donnée. Et il était, ou Shir Mohamed ibn Salih al-Uthaymin a mentionné qu'il est préférable qu'elle ne dépasse pas le montant de la dot, mais qu'il est permis, il est permis qu'elle dépasse, surtout avec l'augmentation du prix des dots. Les dots d'il y a 20 ans n'ont pas la même valeur que les dots d'aujourd'hui. On s'était arrêté là hier. Et on va citer une sixième condition qui est mentionnée par le noble Shir, Shir Salih al-Fawzan, dans son livre Al-Mulakhas al-Fiqhi. Il dit Shir, wa an yakuna bil-lafdhi al-ghul', amma kana bil-lafdhi al-talaq, aw bil-lafdhi kinaya al-talaq, ma'a niyatihi fahuwa al-talaq. Il mentionne donc Shir Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, parmi les conditions également, il faut que le roul' soit mentionné avec les termes et les paroles du roul'. Comme par exemple, si le mari dit « Khala'tuki »« Afaraqtuki » les mentions, il y a ni des phrases ou des paroles qui indiquent le roul', mais s'il mentionne des paroles ou des termes qui indiquent le divorce, et ça on va le voir inshallah dans les cours sur le divorce, avec l'intention du divorce, alors là, ce n'est plus du roul', c'est le divorce. Voyez ? Donc ça, c'est une sixième condition qu'a mentionné Shir Salih al-Fawzan pour la validité du roul'. Ensuite, Shir Salih al-Fawzan dit, hafidhahullah ta'ala, dans le mulakhas al-fiqhi, « Wa la yamliku raj'ataha, lakin lahu an yatazawwajaha bi'aqdin jadid. » Il nous dit le shir, et l'époux ne possède pas la possibilité de la récupérer, ce qu'on appelle raja, comme dans le divorce. Et on va voir dans le divorce la possibilité que l'époux récupère son épouse lors de la période de viduité. Mais là, pour le roul', l'époux ne possède pas la possibilité de la récupérer, mais il a droit de la remarier avec un nouveau contrat de mariage, même si elle ne s'est pas remariée avec un autre homme que lui. In waqa'a bil lafdhi al-khul' aw al-fasakh aw aw al-fida' wa lam yanwihi talaqan kana fasakhan la yanqus bihi 'adad at-talaq. Warada dhalika 'an Ibn 'Abbas radiyallahu 'anhuma wa ihtajja bi qawlihi ta'ala at-talaq marratan. Thumma qala ta'ala فلا جناح عليهما فيما افتدت ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فذكر تطليقتين ثم ذكر الغلع ثم ذكر تطليقة بعده فلو كان الغلع طلاقا لكان رابعا والله أعلم. Ensuite, le shir mentionne un sujet, une mas'ala, où les savants ont divergé à ce sujet, c'est concernant le ghul. Est-ce qu'il est considéré comme un divorce ou est-ce qu'il est considéré comme une annulation? Il nous dit le shir, si la séparation a lieu entre les époux avec les termes du ghul, les termes qu'on a mentionnés tout à l'heure, et qu'il n'a pas l'intention du divorce, alors il est considéré comme une annulation. Et cela ne diminue pas le nombre de divorces, qui sont au nombre de 3, comme on va le voir dans les chapitres suivants. Et cet avis est rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui est basé sur la parole d'Allah azza wa jal au sens approché. Le divorce est permis pour seulement 2 fois, comme dans Sourate al-Baqarah, le verset 229. Puis il dit à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, dans le verset 230, au sens approché, s'ils divorcent avec elle, yani la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Donc regardez mes frères et mes sœurs ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 2 divorces. Puis ensuite, à la suite du verset, il mentionne le ghul. Puis Allah azza wa jal, à la suite, il mentionne un autre divorce après le ghul. Donc si le ghul était considéré comme un divorce, cela aurait fait 4 divorces. Et cela n'est pas possible. Donc ça, c'est une des preuves pour ceux qui disent que le ghul, n'est pas considéré comme un divorce. Et donc, ça ne diminue pas le nombre de divorces permis à l'homme, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, dans le chapitre qui arrive, Inch'Allah. Il nous reste à voir, mes frères et mes sœurs, un dernier sujet concernant le ghul. C'est iddatul al-murtali'a, pardon. C'est-à-dire la période de viduité pour la femme à qui on a prononcé le ghul. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين. Il nous dit العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى qui est mort en 751 de l'Hégire dans l'ordre du prophète destiné à celle à qui on a prononcé le khul, ce qu'on appelle المختلعة, d'avoir une seule période de menstrue comme viduité. Il y a dans cela une preuve sur 2 jugements. Écoutez bien, c'est très important. Ahaduhuma annahu la yajibu 'alayha 3 hiyad bal takfiha haydatun wahida wa hadha kama annahu sarihu sunnah fa huwa madhhabu amir al-mu'minin 'Uthman ibn 'Affan wa 'Abdullah ibn 'Umar ابن الخطاب وربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم. Il mentionne donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, le premier de ces jugements est qu'il n'est pas obligatoire pour l'épouse d'attendre 3 périodes de viduité comme pour le divorce et comme on va le voir inshallah dans les points qui arrivent. Mais une seule période de menstrue suffit. Et ceci est clarifié dans la sunna. Et c'est la position du prince des croyants, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Également, c'est l'avis de Abdullah ibn Umar. Et c'est l'avis de Rubayy' al-Rubayy' bintu Mu'awwidh, qui était une sahabiyya, et de son oncle, radiyallahu anhu majma'in. Et Ibn Qayyim dit, il n'est pas connu qu'un seul sahabi a divergé avec eux. كما رواه الليث ابن سعد النافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الربيع بنت معوذ ابن عفراء وهي تخبر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنها اختلعت من زوجها على أهل عثمان بن عفان. فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض عيضة خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: اسمعوا يا إخوة، فعثمان خيرنا وأعلمنا. الله أكبر. Et Ibn al-Qayyim continue et dit, comme cela est rapporté par Al-Layth ibn Sa'd, le grand imam Layth ibn Sa'd, le contemporain de l'imam Malik, selon Nafi', l'affranchi d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui rapporte qu'il a entendu Al-Rubayy' bint Mu'awwid ibn Afra informer Abdallah ibn Umar que son mari a prononcé le roul sur elle lors du règne de Uthman ibn Affan. Et son oncle est donc allé voir Uthman et lui a annoncé que la fille de Mu'awwid, c'est-à-dire Al-Rubayya, a reçu le roul de la part de son époux. Doit-elle partir? Alors Uthman radiallahu anhu a répondu qu'elle parte. Et pas d'héritage entre eux. Et pas de période de viduité. Excepté qu'elle ne doit pas se remarier avant qu'une période de menstrue se passe. De peur qu'elle soit enceinte. Et Abdallah ibn Umar radiallahu anhu a dit: Uthman est le meilleur d'entre nous et le plus savant d'entre nous. وذهب الى هذا المذهب اسحاق بن راهويه والامام احمد في روايه عنه واختارها شيخ الاسلام ابن تيميه. Ibn Qayyim nous dit, et parmi ceux qui ont opté pour cette position, c'est-à-dire l'avis que la femme qui a reçu le roul a seulement une période de viduité, ceci est l'avis de Ishaq Ibn Rahouya, également de l'imam Ahmed dans une version rapportée de lui, également c'est l'avis de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Donc mes frères et mes sœurs, pour résumer ce point-là, concernant le roul, la femme qui reçoit le roul, en contrepartie d'une compensation, elle doit seulement attendre une période de menstrue avant de se remarier. Et ceci pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de son premier mari. Wallahu ta'ala a'lam. Et avec ceci, mes frères, nous terminons le chapitre concernant le khul. Bien sûr, le chapitre est vaste et beaucoup de choses doivent être mentionnées. Malheureusement, le temps est limité et nous nous contenterons, inshallah, de citer ces points principaux, inshallah ta'ala. Et on espère, bi'idnillah, dans un futur, inshallah ta'ala, pouvoir expliquer ce chapitre plus en détail. Nous passons maintenant, mes frères et mes sœurs, au chapitre concernant ahkam al-talaq, les jugements du divorce. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الطلاق في اللغة التخرية يقال طلقت الناقة إذا صلحت حيث شاءت، ومعناه شرعا حل قيد النكاح أو بعده. Il mentionne Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, at-talaq dans la langue arabe signifie l'abandon, le délaissement. On dit par exemple taluqat la chamelle, c'est-à-dire qu'elle est sortie, qu'elle est partie et elle se déplace là où elle veut. Et la signification dans le jargon religieux, c'est le fait de défaire les liens du mariage ou certains d'entre eux. Wa amma hukmuhu فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال. Quant à son jugement, le jugement du divorce, il diffère selon les différentes circonstances et les différentes situations. taratan yakunu mubah, wa taratan yakunu makruh, wa taratan yakunu mustahab, wa taratan yakunu wajiban, wa taratan yakunu haraman, fata'ti alayhi al-ahkam al-khamsa. Il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, le divorce peut être permis. Et des fois, il peut être détestable. Et des fois, il peut être recommandé. Et des fois, il peut être obligatoire. Et des fois, il peut être interdit. Donc, les cinq jugements du fiqh sont applicables au divorce. فَيَقُونُ مُبَاحًا إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ الزَّوْجِ لِسُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ وَتَدَرُّرْ بِهَا مَا عَدَمِ حُسُولِ الْغَرَبِ مِنَ الزَّوَاجِ مَعَ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ. Il mentionne premièrement, le talaq, le divorce peut être permis. Mubah, si l'époux en ressent le besoin. Comme le fait que son épouse ait un mauvais comportement et qu'il soit lésé par celle-ci. Il n'obtient donc pas les choses nécessaires au mariage si le mariage persiste. Donc ici, le talaq est permis. Et j'ouvre une parenthèse, mes frères et mes sœurs, et surtout mes frères, hein, de revenir à ce qu'on a dit hier, au début du cours. At-talaq, le divorce n'est pas un jeu. C'est une chose grave, duquel découlent beaucoup de conséquences, et parfois des conséquences néfastes et dangereuses. De ce fait, hein, il est toujours préconisé, lors d'un doute, dans le divorce, de retourner aux gens de science et d'interroger al-ulema, les savants, pour être sûr de prendre la bonne décision. Et ici, nous mentionnons les jugements. Hein, afin de connaître les jugements. Mais cela ne veut pas dire, hein, qu'au premier accrochage, nos frères doivent divorcer, hein, nos sœurs directement. Non, c'est pas ça. Le but ici, c'est de comprendre et de connaître les jugements. Quant à l'application de cela, hein, il faut revenir aux gens de science et demander conseil aux ulema. Et je ferme la parenthèse. Wa qala Cheikh Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala wa yukrahu at-talaq idha kana li ghayri haja bi an kanat halu az-zawjayn mustaqima. وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال والراجح أنه مباح مع الكراهة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجة. Et Cheikh Al-Fawzan nous mentionne ensuite, حفظه الله تعالى, le divorce est détestable s'il se produit sans aucune raison, si la situation des deux époux est paisible. Et même certains imams voient que dans cette situation, il est interdit. Mais l'avis prépondérant est la permission avec le caractère détestable. Selon le hadith, nous dit le shir, hein, le licite le plus détesté par Allah est le divorce. Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud et Ibn Majah. Concernant le hadith, « Qala shir al-albani fi irsali al-hadith, fala jurm » أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه وكذلك رجحه الدارقطني في العلل والبيهقي كما قال الحافظ في التلخيص وقال الخطابي وتبعه المنذري في مختصر السنن والمشهور فيه المرسل. Concernant l'authenticité du hadith qu'on vient de citer, le licite le plus détesté par Allah est le divorce. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit: concernant le hadith, il n'y a pas de mal dans le fait qu'Abu Hatim et Ad-Darqutni, pardon, ou Al-Bayhaqi, hein, également Al-Khattabi ou Al-Mumthiri, mentionnent tous que le hadith est mursal. Ça veut dire quoi, mursal? Mursal, c'est le hadith lorsque le tabi'i, hein, l'étudiant du sahabi, mentionne directement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le tabi'i, sans mentionner le sahabi, ou sans mentionner de qui il a entendu le hadith, car ça peut être un autre qu'un compagnon. Et chez les gens, chez les savants du hadith, ce hadith, le hadith mursal, est considéré comme faible, da'if. Et donc, Cheikh Al-Albani mentionne que ce hadith est mursal, hein, et donc il est da'if. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, mentionne هذا الحديث ليس بصحيح لكن معناه صحيح أن الله تعالى يكره الطلاق ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسع لهم فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزا. شيخ العثيمين منشن dans اللقاءات الباب المفتوح numéro 55, Cheikh Al-Uthaymin mentionne ce hadith n'est pas authentique, comme Cheikh Al-Albani a mentionné, mais sa signification est juste. Allah subhanahu wa ta'ala déteste le divorce, mais il ne l'a pas rendu illicite pour ses serviteurs, afin de leur donner une aisance, une facilité. Et s'il y a une raison légiférée religieusement, ou une raison coutumière pour le divorce, alors il devient permis. ثم قال أما بدون سبب أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي فإن الأفضل ألا يطلق بل إن الطلاق حينئذ مكروه. Et finit Cheikh Al-Uthaymin en disant mais sans raison légiférée religieusement ou une raison coutumière, sans ces raisons-là, alors le mieux est de ne pas divorcer. Et même le divorce à ce moment-là est détestable. Fin de citation de l'Allama Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. On revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Wa yustahabbu al-talaq fi hali al-haja ilayh, bihaythu yakunu fi al-baqa'i ala zawjiyya dararun ala zawjah, kama fi hali al-shaqaq baynaha wa bayna al-zawj, wa fi hali karahatiha lahu, fa inna fi baqa'i al-nikah مع هذه الحال ضررا على الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرار ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه. Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى nous dit et il est recommandé de divorcer si le besoin s'en fait ressentir dans la mesure où si les deux époux restent ensemble alors un mal va en découler comme lors d'une désunion entre les deux époux. Lorsque l'épouse déteste son mari, ainsi, si le mariage perdure dans ces conditions, un mal touchera l'épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de préjudice ni de dommage, comme l'a rapporté l'imam Ahmed ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani. وَيَجِبُ الطَّلَاقَ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَتَ الزَّوْجَ غَيْرَ مُسْتَقِيمَةً فِي دِينِهَا كَمَا إِذَا كَانَتْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَوْ تُؤَخِّرُهَا عن وقتها ولم يستطع تقويمها أو كانت غير نزيهة في عرضها فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال وإلا كان ديوثا. Et le divorce, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, est obligatoire pour le mari si l'épouse n'est pas droite dans sa religion, tel que le fait qu'elle délaisse la prière ou elle la retarde en dehors de son temps. Et l'époux ne peut pas la rectifier, donc dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui de la divorcer. Ou comme le fait qu'elle ne soit pas intègre dans son honneur, il est donc obligatoire pour lui de la divorcer dans cette situation, selon l'avis le plus prépondérant. Il y a un khilaf ici, il nous montre qu'il y a une divergence à ce sujet. Voilà pourquoi mes frères, je vous dis et je vous répète, retournez aux gens de science, si vous avez un doute, retournez aux gens de science afin qu'ils vous donnent conseil dans ce sujet délicat. Il est donc obligatoire, comme on a dit, pour lui de la divorcer dans cette situation, selon l'avis le plus prépondérant. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 728 de l'Hégire, a dit « Si l'épouse tombe dans l'adultère, il ne doit pas la garder dans cette situation. Sinon, il sera considéré comme dayyuth. Et dayyuth, c'est celui qui est satisfait que sa famille tombe dans la perversité. A'oudhu billah. Wa kada idha kana zawj ghayra mustaqim fi dinihi wajaba 'ala zawja طلب الطلاق منه أو مفارقته بخلع وفدية ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه. Et le shir mentionne, c'est quelque chose qui est très important, et ainsi, si l'époux n'est pas droit dans sa religion, il est obligatoire à l'épouse de demander le divorce ou demander la séparation par le roulin et une contrepartie. Elle ne doit pas rester avec lui s'il est négligent dans sa religion. Ensuite, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, mentionne « وَكَذَا يَجِبُ عَلَى زَوْجَ التَّلَاقِ إِذَا آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ بِأَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا وَمَضَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَأَبَى أَنْ يَطَأَهَا وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ بل استمر على الامتناع عن وطئها فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها ويجبر عليه لقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Et là aussi, mes frères, le shir mentionne quelque chose très important qui touche certains hommes de notre communauté. Il dit le divorce est également obligatoire pour l'époux. S'il jure, s'il fait le serment de ne pas avoir de rapport intime avec son épouse, si après 4 mois, il refuse d'avoir un rapport avec elle et il refuse d'expier son serment, il continue de s'empêcher d'avoir un rapport avec elle, alors à ce moment-là, il est obligatoire de divorcer. Et on l'oblige à divorcer. Pourquoi ? Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, hein, pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. Et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, alors celui-ci devient exécutoire. Car Allah entend tout et sait tout. Donc là, mes frères, attention. Hein, certains hommes de la communauté jouent avec leurs épouses, hein, et jurent de ne pas toucher leur épouse. Et peut-être même que ces hommes-là ont d'autres épouses avec lesquelles ils passent leur temps et ils délaissent une de leurs épouses et ils jurent de ne pas la toucher. Et ils ne veulent pas la divorcer. Alors, si 4 mois se passent, et qu'il refuse toujours le rapport avec son épouse, et qu'il ne veut pas expier son serment, alors il doit divorcer obligatoirement, ou sinon on l'oblige à divorcer. نعم ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسها وفي طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها وكذا إذا طلقها ثلاثا ويأتي بيان هذا إن شاء الله. Et le divorce également est interdit. Donc là, le shir a mentionné le divorce obligatoire, le divorce recommandé, le divorce permis et le divorce détestable. Et là, il finit avec le divorce interdit. C'est le divorce pour l'époux lors des périodes de menstrues ou de lochie de l'épouse. Également, lorsque l'époux a eu un rapport avec l'épouse durant sa période de pureté et qu'une grossesse n'a pas été détectée. Ou alors s'il l'a divorcée 3 fois. Et ceci va être clarifié dans le prochain chapitre. On va clarifier ces points-là en détail. L'époux ne peut pas divorcer l'épouse si l'épouse a ses périodes de menstrues ou de lochie. Ou si l'épouse a eu un rapport avec son épouse, si l'époux a eu un rapport avec son épouse, et la grossesse n'a pas été détectée. Ou s'il a divorcé 3 fois, mais tout cela, mes frères et mes sœurs, nous allons, inshallah, le détailler dans le prochain chapitre. ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع. Et les preuves du caractère légiféré du divorce se trouvent dans le Coran, dans la Sunna et selon le consensus des savants. قال الله تعالى الطلاق مرتان. وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Dans le livre d'Allah, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sens approché, le divorce est permis pour seulement 2 fois, dans Sourate al-Baqarah verset 229. Également, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, ô prophète, quand vous divorcez les femmes, divorcez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Dans surat At-Talaq, le verset numéro 1. Ça, c'est l'épreuve de du livre d'Allah et les preuves sont nombreuses. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, innama at-talaq liman akhadha bis-saq, rawahu Ibn Majah wa Ad-Darqutni wa li ghayrihi min al-ahadith. Et également dans la sunna, la preuve du divorce, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le divorce est le droit de l'époux. Comme l'a rapporté Ibn Majah et Ad-Darqutni, et jugé bon par Sheikh al-Albani et d'autres parmi les hadiths qui sont très nombreux à ce sujet. وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلَاقِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et plus d'un savant ont rapporté le consensus concernant le caractère légiféré du divorce. Ça, c'est concernant l'épreuve du divorce. وَأَمَّا مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ فَوَ الزَّوْجِ الْمُمَيِّزِ المختار الذي يعقله أو وكيله لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. Quant à celui pour qui prononcer le divorce est valide, c'est l'époux qui peut discerner, qui a l'âge de discernement. Et ici il y a une divergence, mes frères. La majorité des savants, eux, conditionnent par la puberté, que l'époux soit pubère. Mais Al-Hanabila, ceux qui suivent le madhab de l'imam Ahmed, et notamment Shir Salih Al-Fawzan, mentionnent eux l'âge de discernement, lorsque l'enfant discerne le bien, ou lorsque la personne, discerne le bien du mal. Également, il faut qu'il ait la capacité de choisir, et qu'il soit doué de raison. Ou alors, il peut être prononcé par son représentant. Tout ceci selon la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le divorce est le droit de l'époux. وَمَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَوَا مَعْذُورُ فِي ذَلِكَ كَالْمَجْنُونَ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمِ وَمَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَزَالَ شُعُورَهُ كَالْبِرْسَامِ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ أَوْ أَخَذَ بَنْجَانٍ وَنَحْوَهُ لِتَدَاوٍ فَكُلُّ أُولَاهِ لَا يَقَعُ تَلَاقُهُمْ إِذَا تَلَفَّظُوا بِهِ فِي حَالِ زَوَالِ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ مِنْ هَذِي الْأَسْبَابِ لِقَوْلِ عَلَى عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزِ إِلَّا طَلَاقُ الْمُعْتَوِهِ ذَكَرَ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ. Quant à celui qui perd sa raison, il est alors excusé, comme le fou, ou celui qui a perdu conscience, ou celui qui dort, ou celui qui est touché par une maladie qui fait perdre sa faculté de juger, telle que la démence. Également, celui qui est contraint de prendre des substances enivrantes, ou celui qui prend des sédatifs ou autres pour se soigner et qui perd donc la raison. Tout cela, leur divorce n'est pas effectif s'ils le prononcent lors de la perte de raison causée par une de ces raisons qu'on vient de citer. Selon la parole de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, tout divorce est permis, excepté le divorce de celui atteint par la folie, comme a rapporté l'imam al-Bukhari. وَمَا إِنْزَالَ عَقْلُهُ بِتَعَاطِيهِ مُسْكِرًا وَكَانَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ ثُمَّ تَلَّقَ فِي هَذِي الْحَالِ فَفِي وُقُوعِ تَلَاقِهِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أنه يقع وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم. Quant à celui qui perd sa raison en consommant volontairement des substances enivrantes, c'est-à-dire selon son propre choix, il n'a pas été contraint comme dans la première situation, puis ensuite il divorce, alors ici il y a une divergence entre les savants concernant la validité de son divorce. Les imams des quatre écoles, l'école d'Abi Hanifa, de Shafi'i et de Malik, de Shafi'i et de Ahmed, les imams des quatre écoles et un certain nombre de savants voient que le divorce est valide. Dans ce cas-là, il est valide, contrairement à la première situation où la personne a été contrainte. وَإِنْ أُكْرِهَا عَلَى الطَّلَاقِ ذُلْمًا فطلق لرفع الإكراه والظلم لم يقع طلاقه لحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والإغلاق الإكراه ولقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن والكفر أعظم من الطلاق وقد عفي أن مكره عليه فالطلاق من باب أولى فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيئة وقع طلاقه Et s'il est contraint de divorcer de manière injuste, c'est-à-dire qu'il divorce uniquement pour se débarrasser de la justice ou de la contrainte qui le touche, alors dans cette situation, le divorce n'est pas effectif. Selon le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas de divorce et pas d'affranchissement sous la contrainte, l'affranchissement des esclaves. » Comme l'a rapporté Ahmed et Abu Daoud, Ibn Majah est jugé bon par Shir al-Albani. Ainsi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité et de foi. Fin du verset. La mécréance est beaucoup plus grave que le divorce. Et celui qui est contraint est pardonné. Alors le divorce a plus forte raison. Et si la contrainte dans le divorce est justifiée, comme par exemple celui qui a juré de ne pas avoir de rapport avec son épouse et il refuse de revenir, alors là le divorce est effectif, comme on l'a mentionné tout à l'heure. وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِنَ الْغَدْبَانِ الَّذِي يَتَصَوَّرْ مَا يَقُولُ أَمَّا الْغَدْبَانَ الَّذِي أَخَذَهُ الْغَدَبُ فَلَمْ يَدْرِي مَا يَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعْ تَلَاقُهُ Très important mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Car beaucoup, d'hommes et de femmes de notre communauté, malheureusement, ont ce problème ici. Le divorce de celui qui est en colère. La personne qui divorce sous la colère, s'il est conscient de ce qu'il est dit, il est en colère mais il sait ce qu'il dit, alors le divorce est effectif. Quant à celui qui est en colère, d'une colère qui l'emporte à tel point qu'il ne sait plus ce qu'il dit, il n'arrive plus à comprendre ce qu'il dit. Alors le divorce n'est pas effectif. Mais attention mes frères, ici de ne pas jouer avec cela. Combien de nos frères divorcent sous la colère? Ensuite ils vont voir, l'ulema, les savants yachir, j'étais en colère, je ne savais pas ce que je disais. Ils trouvent des excuses pour ne pas prendre en compte ce divorce. Parce que c'est la troisième fois qu'il a divorcé sa femme. Faites attention mes frères. Craignez Allah Azza wa Jal. Que chacun de nous craigne Allah Azza wa Jal dans ce sujet. Les conséquences sont terribles. Et ceci est très dangereux. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Combien de frères, sous la colère, ont prononcé la parole du divorce et après 2 minutes, ils regrettent et trouvent des excuses et cherchent des échappatoires afin de revenir sur leurs paroles. Craignez Allah. Ittaqullah ya ikhwati. Faites attention. وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِنَ الْهَازِلِ لِأَنَّهُ قَصَدَ التَّكَلُّمَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إِيقَاعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ Et on termine mes frères pour laisser la parole à notre bien-aimé frère Youssouf. Le divorce de celui qui plaisante est également effectif. Naam. Combien de nos frères jouent, s'amusent avec leurs femmes et dit, tu es divorcé, en rigolant. Même si tu rigoles, même si tu n'as pas l'intention du divorce, le divorce est effectif. Le divorce a lieu. Subhanallah. Donc craignez Allah. Craignez Allah, ô mes frères. Arrêtez de jouer. Craignez Allah, subhanahu wa ta'ala, dans vos épouses. Craignez Allah, azza wa jal, dans ce sujet très important. Wallahu al-musta'an. On doit s'arrêter là pour laisser la place à notre bien-aimé frère Youssouf Abu Berzak, hafizahullah ta'ala, et on continuera demain inshallah ta'ala ce chapitre très important. Wallahu ta'ala a'lam